ce que tu vois, dis-moi ce que tu sens. Non, là tu ne parles pas, tu restes dans ton sang. C'est la colère qui se lève, la phobie qui s'enlève, la larme qui te crève, les cris sur tes lèvres. Tu vas mourir, oh oui, tu vas sentir, c'est fini. Tout est terminé, tout est déchiré, tout est rangé, tout est délavé. Tu vas pleurer, on est révolté, on va te tuer. C'est terminé, avec ton sale humour, j'ai bouffé tous les jours. Je ne suis pas comme toi, c'est pas une raison ça. J'ai appris tout par cœur, les mots de ton bonheur. C'est ma nouvelle apparence, ce n'est qu'une vengeance. J'ai du mal à apprendre, toi tu joues sans comprendre. Tout est terminé, tout est déchiré, tout est rangé, tout est délavé. Tu vas pleurer, on est révolté, on va te tuer. Oh, c'est terminé, prisonnier sur ta chaise. J'espère au moins qu'on te baise. Tu as peut-être une grande chance, tu apprendras à mourir dans le silence. Comment t'as fait pour ruiner la classe sans penser à ta vie de glace? Tu as une superbe copine, comment elle fait que je devine? Est-ce qu'elle ne voit rien, ou est-ce qu'elle veut juste, oui, tes doigts sur ses seins? Juste ça. Terminé, tout est déchiré, tout est rangé, tout est délavé. Tu vas pleurer, on est révolté, on va te tuer. C'est terminé.